Exercice 9, page 104. A. Lente. Transformer. Lentement. B. Franche. Transformer. Franchement. C. Étrange. Transformer. Étrangement. D. Volontaire. Transformer. Volontairement. E. Profonde. Transformer. Profondément. F. Longue. Transformer. Longuement.